une histoire particulière. Le timbre éclatant de la trompette a depuis longtemps destiné cet instrument à des fonctions guerrières et religieuses qui l'auréolent d'un grand prestige. Un musicien consacre énormément de temps à son instrument, des heures de discussions intimes, une histoire d'amour-passion et souvent une union scellée à vie. Si vous êtes amoureux de votre instrument et si vous n'obtenez pas le son dont vous rêvez, jouez centré pour bien développer les harmoniques. Le son porte plus loin et c'est moins fatigant. Travaillez votre colonne d'air et utilisez une embouchure adaptée au type de musique que vous jouez. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est l'histoire d'Eddie Rössner et de sa trompette qu'il faut écouter. Eddie Rössner, premier épisode. Le Satchmo germano-soviétique. Olivier Chaumel, Lionel Quentin. J'étais chez un disquaire qui n'existe plus malheureusement à Saint-Germain. Patrick Anidjar. Pas loin de l'Alcazar. Il a fermé il y a quelques années. Et je suis tombé par hasard sur un CD. Je suis un peu fan de jazz, j'ai une belle collection de disques et je tombe sur un disque que je ne connais pas. Donc je lève un sourcil, je regarde, je vois un homme, les cheveux gominés, qui brandit une trompette vers le ciel et avec un nom que je ne connais pas non plus, Eddie Rössner. Je tourne le disque et c'est écrit en russe derrière, d'où mon étonnement. Et je me suis dit, mais ça c'est une histoire incroyable. Du jazz russe, qu'est-ce que c'est ? Ça ne me disait absolument rien. Donc j'ai commencé à fouiner. Et je tombe sur une histoire absolument incroyable d'un vrai musicien au destin étonnant. Et cet homme qui a fui tous les dangers en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale pour finalement, en fuyant les nazis, se retrouver en Pologne, ce qui était franchement avant l'invasion de la Pologne par Adolf Hitler, et qui, pour fuir la Pologne envahie par ces mêmes nazis, décide d'aller dans l'Union soviétique de Staline. Et il a été finalement terminé ses jours après avoir beaucoup de difficultés à s'extraire des barrières de l'Union soviétique de l'époque, finir ses jours à Berlin. Natalia Sazonova. La force d'Eddie Rössner, c'est la véritable force de tout le peuple juif. C'est aimer la vie et être dans la vie et jouer avec cette vie. En l'aimant, même si elle, parfois, elle t'aime pas. Mais toi, tu l'aimes et tu avances. Il est né en 1910, Eddie Rössner, à Berlin. C'est un musicien, un juif berlinois, et il commence à se produire, disons, à la fin des années 20. Il joue du jazz, Gertrud Pickan. Wichtig erscheint mir zunächst einmal, dass Eddie Rössner. Il me paraît important de dire d'abord qu'Eddie Rössner, enfant, à Berlin, a eu une bonne éducation musicale. Il a été élevé dans la musique classique. Et ensuite, selon l'air du temps, il est arrivé au jazz. Et tout jeune homme, il est devenu membre de cet orchestre de jazz qui était déjà très connu en dehors de Berlin, les Weintraub Syncopators. Philippe Gimplovitch. Eddie Rössner commence le métier à la fois un très mauvais moment et un moment excellent. Alors, très mauvais moment parce que il doit commencer à jouer vers 1929-1930, quoi, à l'aube de sa 20e année. Et alors ça, c'est un bon moment. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où ce qu'on appellera plus tard la culture de masse explose. Il y avait 4 millions de disques vendus en 1929, il y en avait 30 millions 3 ans plus tard. Donc c'est multiplié par 7 carrément en quelques années. Et puis, autre élément favorable pour lui, 1929, on est dans la République de Weimar, on s'amuse bien, on fait comme si... comme si au bout du chemin, il n'y allait pas avoir un énorme trou. Donc, il y a plein de cabarets, il y a plein de revues. Il y a des brasseries, il y a du travail pour les musiciens. Et principalement, en grande partie, pour les musiciens dits de jazz. Alors ces musiciens dits de jazz, ou ces musiciens de jazz, si vous voulez, sont des gens qui pratiquent une certaine forme de musique syncopée sur du répertoire. Syncoper la musique, ça veut dire faire pada padam, ticking padouta padada padam. Enfin bon, c'est, aujourd'hui c'est pas grand chose. Simplement à l'époque, il y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Alors évidemment, ça vient des États-Unis, ça vient des jazzmen, et parmi les musiciens européens, y compris allemands, certains y arrivent. Et donc ceux-là ont du travail. Ils ont du travail parce que leur musique, c'est une musique qui sert à faire danser. Ça c'est essentiel. Nous sommes après la Grande Guerre. Il y a une mise en scène des corps à travers la danse, dans une industrialisation de la danse. Et donc les corps se frottent à travers le slow fox et les corps gigotent à travers le charleston, le foxtrot et tout le tintouin. Eddie Rosner dira, enfin on lui prête d'avoir dit, je n'étais pas tellement aidé, j'étais juif et je jouais de la musique de nègre à Berlin en 1933, même si je m'appelais Adolphe. Oui. Parce que Eddie, c'est le diminutif d'Adolphe, ouais. D'Adolphe. Il faut le faire. Ouais. Pierre-Henri Salfati. Alors en fait, une petite précision, c'est que Eddie Rosner, en bon jeune garçon juif berlinois, est violoniste. C'est même un violoniste prodige. Et un jour, son oncle se moque de lui. Il en a marre d'entendre... Vous savez, les juifs, ils jouent pas l'arghetto, ils jouent ghetto. Donc, c'est un mot d'un très fameux violoniste juif russe. Et donc, il lui dit, il en a marre. Enfin, il se moque de lui. Et il dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je ne sais pas. Et il lance comme ça, joue de la trompette. Et il va devenir un trompettiste inouï. Et d'ailleurs, pour l'anecdote... À l'école où il va apprendre la trompette qu'on lui passe est contaminée et il attrape la tuberculose en devenant trompettiste. Ça ne va pas l'empêcher d'aller affronter Armstrong. Et là, l'anecdote est très belle puisqu'il joue en duo avec lui et Armstrong lui dit, ébloui par le génie du gamin, « You are White Armstrong ». Et il lui dit, « Non, you are White Rosner ». Il lui dit, « Vous êtes fou ». Le Rosner blanc, noir, pardon. Donc ça positionnait tout de suite l'ambition du gamin et qui, effectivement, quand il rentre, Goebbels est là, quand il revient, et comme vous dites, nègre, juif, jazzman, allez, ciao. Rosner n'est pas dépourvu d'une certaine naïveté, je dirais. En théorie, quelqu'un qui est un peu lucide et qui est juif à Berlin dans les années 30... aurait plutôt envie de s'en aller vers l'Amérique, justement. Et Rosner sent bien qu'il faut qu'il prenne un peu le large, mais c'est vers Varsovie d'abord qu'il part. Lui, c'est simplement des circonstances familiales qui l'ont poussé à partir à Varsovie, puisqu'il était le mari de la fille de Ida Kaminska, qui avait créé le théâtre yiddish de Varsovie. Et en fait... une actrice très célèbre. Comment ? Elle était fameuse, oui. Elle était fameuse. Et donc, on dirait que les choses le suivent avec une espèce de prédestination, puisque au moment où ils partent en Pologne, les Allemands ne font qu'envahir la Pologne. Et au moment où ils s'installent à Varsovie, les Allemands bombardent Varsovie. Donc, et c'est un piano qui les sauve, d'ailleurs. Ils sont planqués dans le théâtre yiddish. Des bombardements ont lieu, le théâtre est touché et il se protège avec sa femme sous un piano à queue et ils sont sauvés. C'est-à-dire le plafond s'effondre sur le piano et ils donnent leur vie à un piano. Le jazz, les nazis sont contre. C'est rangé dans les arts dégénérés. Oui, c'est un art dégénéré, typiquement dégénéré, parce que c'est judéo-nègre. L'idée générale, c'est Les Noirs, c'est du fond sans la forme, et les Juifs, c'est la forme sans le fond. Et les deux sont réunis pour faire une musique qui est qui bousille tout, parce que d'abord c'est une musique impure, qui pollue l'âme allemande, qui pollue les corps. C'est une musique qui est une musique cosmopolite, une musique qui s'oppose à la grande musique allemande. Donc du côté des nazis, c'est ça, et puis du côté du côté des marxistes ou du côté des philosophes de l'école de Francfort, c'est la musique de masse, c'est une musique capitaliste. Et il y a tout un truc par rapport à ce que cette musique fait au peuple. Pour un philosophe marxiste comme Adorno, c'est du kitsch, c'est de la camelote, c'est de la merde. Pour les nazis, c'est de la saloperie. Mais les gens continuent à aimer ça. Vous voyez, c'est là où c'est le paradoxe, quoi. Donc, Eddie Rosner qui quitte l'Allemagne en 33, d'une certaine manière, il la quitte au bon moment. Il la quitte au bon moment, mais pas pour aller au bon endroit. En 33, Rosner part vers l'Est, alors que le tropisme plus naturel serait de partir aux États-Unis. Mais c'était son intention. Lui, il voulait partir à Brésil, parce qu'il y avait une partie de famille qui est déjà émigrée là-bas. Et ça aussi, c'est un mystère, pourquoi elle reste. Parce que Rosner, c'est un homme d'intuition. Est-ce que l'intuition le pousse à l'opposé de l'Amérique, vers son plus grand ennemi, l'URSS ? Va savoir. Mais lui, il fuit Berlin. C'est après la nuit de cristal. Voilà, où il y a beaucoup de membres de famille qui passent. Et il va en Pologne. Pourquoi Pologne ? Mais parce que Pologne, c'est une étape... parce que son père était polonais, parce qu'en Pologne, il n'est pas encore envahi par les Allemands. Il n'est pas le seul à suivre ce chemin. Oui, bien sûr. Il n'est pas seul. Il y a pas mal de Juifs qui ont fui Allemagne vers Pologne. Mais il a rencontré en Pologne la femme de sa vie et qui l'a beaucoup inspiré. Et je pense qu'il se forgeait beaucoup en Pologne. Après, aller en Russie de Staline, ça, il faut faire aussi. Mais il y a beaucoup de Juifs qui étaient communistes. Ce qui n'est pas le cas de Rosner. Rosner était apolitique complètement. Il semble assez dépourvu de toute conscience politique. Ouais, mais pas religieuse. Ça, voilà, ça aussi, c'est incroyable. Parce qu'on oublie toujours que Eddie Rosner, c'était quelqu'un qui a porté la Torah à travers toute sa vie. Elle n'a jamais affiché ça, mais c'était... Son sidour, il a toujours eu avec lui. Le sidour, c'est la lèvre de prière. Il l'a jamais quitté. C'est le livre qu'il a donné son père et qui a fait le voyage Berlin-l'URSS, l'URSS-Berlin. Il me semblait pourtant avoir lu chez vous que Rosner faisait partie de ces Juifs qui le sont deux fois par an. Et alors, c'est des Juifs quand même. Ce sont des Juifs quand même. Oui. Voilà, oui. J'ai dit ça avec plutôt tendresse qu'accusation. Que va-t-il donc faire à l'Est ? Franchir la frontière soviétique, c'est quand même une drôle d'idée. Il est toujours un peu déconcertant comme ça, Rosner, dans ses décisions. Ja, aber ich denke, dass er im September 1938... Oui, mais je pense qu'en septembre 1938, il n'avait guère d'autre choix que de fuir vers l'Est. Et qu'il soit resté si longtemps à Varsovie, ça a évidemment à voir avec le fait qu'il soit tombé amoureux à Varsovie d'une jeune femme qui venait d'une célèbre dynastie juive polonaise d'artistes de théâtre. Et du fait de cette relation amoureuse, il était un peu coincé à Varsovie. Und er muss dann eben im September 39 Et ensuite, il lui faut fuir en direction de l'Est, en septembre 1939. Und er landet dann da, wo viele Flüchtlinge, jüdische Flüchtlinge, Et il se retrouve là où arrivent beaucoup de réfugiés juifs de Pologne, c'est-à-dire à Lvov. En fait, où est-ce qu'il aurait pu aller vraiment ? Revenir en Allemagne, aller en France, aller aux États-Unis. Quand vous êtes coincé en Pologne à cette époque avec les nazis qui bombardent. Enfin, en l'occurrence, sa belle-mère lui reprochait de parler yiddish, dit-elle, comme un goy. C'est-à-dire, en fait, il avait un accent allemand tellement. Donc, c'est quand même ça qui va les sauver. C'est-à-dire qu'il va se déguiser en SS. Il va embarquer sa famille à la frontière biélorusse et dans un allemand impeccable, sans accent yiddish, il leur sauve la mise et il rentre en Biélorussie. Et là, il se retourne vers Ida, sa belle-mère, et lui dit « Voyez-vous, le goy de la famille vous a quand même sauvé la vie. » Et c'est une très spannende Geschichte dort. Et là-bas, et c'est une histoire très passionnante. Angefragt von dem Chef, der von dem Vorsitzenden, le chef, der le président du Parti communiste de Biélorussie, Weißrussland, Ponomarenko. Ponomarenko s'est entretenu avec lui. Ein typischer sowjetischer Apparatchik. C'était un authentique apparatchik soviétique, mais qui était aussi un fan de jazz. Ponomarenko wird auf ihn aufmerksam. Ponomarenko s'est montré très prévenant envers lui. In Lviv ist und holt ihn dann. Il apprend qu'il est à Lvov et le fait venir à Minsk. Weil er von ihm gehört hatte. Parce qu'il le connaissait de réputation. Selbst in Minsk hatte man schon von diesem tollen. Ça veut dire que jusqu'à Minsk, on avait entendu parler de cet Eddie Rosner, ce formidable jazzman. Lviv nach Minsk und beauftragt ihn dort. Et Ponomarenko le fait venir de Lvov à Minsk et lui confie la charge du premier orchestre de jazz de Biélorussie. Das finde ich auch immer wieder sehr faszinierend, weil je trouve ça toujours fascinant parce que Ponomarenko est vraiment l'apparatchik soviétique dans toute sa splendeur. Mais il a cet amour pour le jazz. Panteleimon Ponomarenko adore le jazz. On lui prête d'avoir dit à Eddie Rosner, tu sais, Eddie, un jour, on lira dans le dictionnaire Staline, homme politique qui vivait à l'époque d'Eddie Rosner. C'était beau. Je comprends effectivement qu'on puisse se demander si c'est légende ou réelle. Ce Ponomarenko, c'est effectivement un cadeau pour Eddie et Eddie un cadeau pour Ponomarenko. En fait, c'est de la propagande militaire, hein. C'est-à-dire il va être complètement manipulé, mais ça va quand même lui sauver la mise. C'est-à-dire qu'il y avait comme ça une espèce de désir du soviet de décontracter le peuple russe, de faire que les soldats soient aussi à l'aise dans un lâcher-prise qui leur permettrait d'aller se faire massacrer sur le front. Donc le jazz, curieusement, était une arme stratégique, politique. Et d'ailleurs, l'aventure est extraordinaire, puisque pendant les premières années de sa présence sur le sol soviétique, il vit dans un train, avec tout son orchestre. Pourquoi ? Parce qu'on l'envoyait sur tous les fronts russes. Et il était reçu comme un sauveur parce qu'il était musicien. C'est qui a vécu un destin pareil ? Et tout l'orchestre vivait avec la famille dans des compartiments, dans des trains. Et on l'a retrouvé. On lui réserve un certain luxe, en réalité. Oui, des traitements assez faramineux. Absolument. Oui. Et il vivait de façon très luxueuse. Il va devenir le 10e homme le plus riche de Russie, Rosner. On va l'appeler le tsar. Donc Rosner va connaître une fortune extrême. C'est-à-dire qu'il est très populaire, justement, parce qu'il va sur tous les fronts. Il visite la Russie, on l'a en large et surtout en travers. Il est accueilli comme Duke Ellington le serait par ses fans. Mais ni Benny Goodman, ni Duke Ellington, ni les jazzmen de l'époque fameux n'ont eu le 10e du succès de Rosner. Parce que les photos qu'on a quand il joue devant 100 000 personnes dans les stades, les photos, elles sont là. Moi, quand j'ai les archives de la Place Rouge bourrées de monde qui écoute du jazz, à l'heure la plus stalinienne. Du stalinisme. Incroyable. Наш товарищ сидеть король, лучше парня в мире, право не найти. Rosner, d'un seul coup, il y a son directeur d'orchestre qui vient, Eddie Ignatievich, c'était un des noms de Rosner, puisqu'il a changé beaucoup de noms, et ça c'était le nom soviétique. Il faut que vous allez à Sotchi. Dans les années 40. C'était une ville d'eau très chic, voilà, où les simples soviétiques ne pouvaient pas aller tout simplement. Et Rosner a dit, j'ai pas les moyens, il dit, tout est payé. Il faut que vous vous reposiez, vous prenez votre fille, votre femme, votre orchestre et vous passez un beau séjour là-bas. Il arrive et c'est vrai, pendant 2 semaines, il se baigne, le repas sont servis, bon, il fait ce qu'il veut, jusqu'au moment qu'on dit, bon voilà, il faut payer l'addition, vous donnez un concert. Et Rosner adorait le concert, il dit oui, oui, quand, bon, le meilleur salle de Sotchi, Rosner, il se trouve sur scène. Le rideau s'ouvre et la salle est vide. J'ai interviewé les musiciens qui participaient et dit qu'on ne savait pas quoi faire. Et d'un seul coup, Rosner qui pâlit et qui donne l'ordre de commencer à jouer, il dit « Allez, Masik !» C'est son expression. « Allez, Masik, on y va !» Et tout le monde commence à jouer et Rosner est très nerveux. Et je pense que Rosner a compris, parce qu'il y avait un ombre dans la salle qui fumait la pipe. C'est le fumet de la pipe qui a attiré l'attention de Rosner. Après, il disait, il expliquait. Il a vu le profil qu'il connaissait très très bien. Et pendant 1h30, elle jouait pour M. Staline en personne, qui était tout seul dans la salle. Staline, il faut dire qu'il avait le goût littéraire exquis. Il connaissait très très bien le cinéma. Et la musique aussi. Et jazz, il aimait le jazz. C'est atroce, mais c'est vrai. Alors, il joue assez souvent pour des dignitaires du parti, mais pas seulement. Il arrive aussi qu'il fasse des haltes pour faire des concerts à l'attention de bergers tadjiks. Ja, die Sowjetunion war ein multiethnischer, ein multikultureller. L'Union soviétique était un État multiethnique, multiculturel. Da waren diese Musiker dann ja tatsächlich auch so etwas wie. Et ces musiciens étaient un peu comme des ambassadeurs du jazz. Il était connu nationalement. C'était à la fois une star et le tsar de la musique. Er war ein Zar der Musik, ja. C'était un tsar de la musique, oui. Il était connu dans toute l'Union soviétique par ses tournées. Il a enregistré beaucoup de disques à Moscou pendant la guerre. Und auch diese Platten verbreiteten natürlich seinen Ruhm, et ces disques ont amplifié sa célébrité. Il se vendait très bien. Ça n'était plus seulement son personnage, ses entrées en scène, son orchestre qui ont fait sa célébrité, mais aussi ses disques, produits pendant la guerre. Soudain, fin 46, la disgrâce vient, Natalia Sazonova. Vous savez, et ça c'est perversion de l'Union soviétique. On ne te tue pas jusqu'au moment dont on a besoin de toi. Après on peut te tuer et passer dans la machine, la hachoire, hein, voilà. C'est ce qui s'est passé avec Rosner. Dann kam ja sehr schnell nach dem Krieg diese anti-kosmopolitismus-Welle. Et très vite, après la guerre, il y a eu cette vague anticosmopolite. Et dans cette vague, on a mis aussi le jazz. Il y avait une certaine condamnation du jazz, toute nouvelle et très claire. Et dans le journal Izvestia, en août 1946, a été publié un article ouvertement dirigé contre Eddie Rosner, in der ihm seine Qualitäten als où ses qualités de trompettiste grandiose étaient niées, abgesprochen wurden, er als drittklassiger où il était décrit comme un musicien de troisième catégorie. Und es wird ihm in diesem Artikel besonders angekreidet, dass seine Musik aus westlichen, et dans cet article, on dépeint sa musique comme étant celle qu'on entend dans les bistrots crasseux et décadents de l'Ouest. Und das Interessante an diesem Artikel in der Izvestia ist, ce qu'il y a d'intéressant dans cet article des Izvestia, c'est que Eddie Rosner est présenté comme un étranger, un autre, qui n'est pas des nôtres. Cet article des Izvestia, par exemple, c'est évidemment une alerte pour lui. Est-ce que vous avez le sentiment, Gertrude Pican, qu'il comprend ce qui lui arrive, que la situation s'envenime en quelque sorte pour lui? Ja, ein solcher Artikel mit einem so persönlichen, un tel article, avec une attaque aussi directement personnelle, dans un journal aussi important, ein Alarmsignal. C'était un signal d'alarme. Und bei Eddie Rosner führte das dann dazu, dass sich entschloss, et Eddie Rosner a décidé de quitter l'Union soviétique. Rosner a dit, ça y est, j'ai fait tout ce que j'ai pu ici. L'URSS ne l'intéressait plus. Il le disait ouvertement, on ne peut plus aller plus loin dans le jazz ici. Parce qu'il était... Mais l'Amérique et l'Europe le tentaient. Alors il dit ouvertement, c'était quelqu'un très droit, il dit, voilà, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer à Berlin. Comment tu veux rentrer au Berlin? Non, on a besoin de toi ici. Non, je veux rentrer au Berlin, je suis quand même un homme libre. Eh non, tu n'es pas un homme libre, et voilà, il était arrêté. Rosner va à Lvov avec sa famille. Elle prépare vraiment son départ. Après guerre, Lvov est en Ukraine. Oui, tout à fait. Et encore maintenant, il est en Ukraine. Voilà. Rosner prépare son départ. C'était très, très bien préparé. Il a mis tout son argent qu'il a gagné pour vous dire qu'il a préparé son départ. Et quelqu'un le trahit. Qui le trahit? Je ne sais pas. Peut-être Ponomarenko, peut-être quelqu'un dans l'orchestre, parce qu'il y avait des gens qui étaient spéciaux. Eddie Rosner, premier épisode, le Satchmo germano-soviétique. Avec Patrick Anidjar, Natalia Sazonova, Gertrude Pican, Philippe Gimplovitch, Pierre-Henri Salfati et la voix de Nathalie Duong. Bibliographie sur franceculture.fr. Le Jazzman du Goulag, très beau documentaire de Pierre-Henri Salfati et Natalia Sazonova, est disponible aux éditions Idéal Audience Internationale. Prise de son, Thibaut Nassimben et Julien Douminc. Mixage, Manuel Couturier. Le Satchmo germano-soviétique, Lionel Quentin, Olivier Chaumel. La suite de l'histoire du trompettiste préféré de Staline, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.